L'autre côté du paradis, il n'y a plus de vérité. Parmi les pauvres et les voleurs, les oiseaux qui piquent au cœur. Seuls les charmeurs du grand sabbat font la musique en espérant. Et dans leur chant désespéré, ils ne sont même plus révoltés. On a les sommes que l'on mérite, et les temps sont ceux qui sont. On a les hommes que l'on mérite, et les temps sont ceux qui sont. L'autre côté du paradis, l'espoir peut